pour la photo. À qui je penserais si le Ryanair tremble un peu trop? Y'a des trucs qui tombent d'un seul coup. Qui font que ce matin le chant des oiseaux sonne un peu faux. Ça va mettre 2-3 semaines à encaisser. Comme un chèque à la banque postale ou un nouveau décès. Manteau même en été. On est frais mais on est endetté. C'est comme ça dans mon coin. Tire sur la corde et sur le joint sans savoir si ça te fait du bien. Bref. Je visite des sourires dans des salles de concert. Indestructible grâce aux OGM dans les boîtes de conserve. Admiratif de mon père. Adopter un enfant quand t'es toi-même encore un enfant, c'est plus courageux que de le faire. Je me suis calmé mais je resserre. Les yeux perdus dans le gris du ciel, je me demande où t'es sur la terre. Faudrait que je t'écrive un message, faudrait qu'on prenne un peu l'air. Faudrait qu'on, je sais pas trop en fait. Parfois quand c'est trop cassé, paraît que c'est mieux de rien faire. Warning sur la voie de bus, parce que de façon y'a plus de bus. Cherche le secret du bonheur comme Kylian, la profondeur, Harry Potter, les Horcruxes, Calicana, les ordures. C'est le nom de mes chats, c'est l'heure de remplacer l'instituteur. Je préfère un cadeau de merde qui vient du cœur que tes pingouins de maison de disques qui font les séducteurs. Un bon indicateur, si tu veux nous connaître, j'aime moins partager du champagne que la soupe de tomate du distributeur. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. On a gagné après les coups de sifflet. Un verre des étoiles et c'est Walt Disney. Je suis toujours postiché au mur de ma ville de briques. J'ai toujours pas pris la Play 5 parce que c'est un truc de riche. Toujours dans ma tête, y'a un peu de toi. Toujours dans ma tête, y'a un peu de toi. Parfois c'est simple, mais ça restera souvent compliqué. J'en ai usé des briques comme on en a fini des briquets. Je m'endors au son des criquets, des 50 cc débridés. Et je rêve nager dans les mêmes piscines dans le journal de Mickey. Bébé, j'appelle ma copine bébé. Avant je trouvais ça gênant de surnommer sa copine bébé. Ça veut dire qu'on a progressé en bien. Donc fais comme dans le goût du sel et s'te plaît me lâche plus la main. Avec toi je crains plus la fin. Bébé, je vais ressortir un CD. Les nuages au-dessus de nos têtes, on écrit dedans comme dans les BD. C'est vrai, en ce moment je me trouve fort, excellent. J'ai frite un joint, je roule un stick avec le petit excédent. Demain ce sera autre chose. La vraie version des films à l'eau de rose, c'est ce qu'on vous propose. Je voulais être footballeur, mais la vie ça brûle comme le dos de Bowser. J'apprends à vivre comme dans le code de l'honneur. Toujours dans ma tête, y'a un peu de toi. Toujours dans